Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Des arbres et des hommes, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a les forêts imaginaires qu'on a dans le cœur, le châtaignier qu'on allait visiter et piller chaque hiver et l'impression d'avoir affaire à quelque chose de sensible. Alors pour commencer, les personnages. Un biologiste de l'intelligence, un botaniste qui dessine, un neurobiologiste qui dit des histoires, trois chercheurs sur le terrain, des généticiens admiratifs et un forestier immergé. Ensuite le décor, l'intelligence végétale, des acacias, des gazelles, un laboratoire, un sous-bois qui craque, la lune et la sève, des bourgeons, des champignons, des arbres solidaires, l'anthropocentrisme et le silence. Aujourd'hui, quatrième épisode, on respire mal. Domanda 1. Che cos'è la neurobiologia vegetale? Beh, la neurobiologia vegetale è una nuova disciplina scientifica che nasce. La neurobiologia vegetale è una nuova scienza che nasce nel 2005 per rispondere a una necessità, cioè quella di studiare le piante e utilizzando le tecniche e gli strumenti che le tecniche e gli strumenti che normalmente utilizzano per l'étude delle capacità superiori degli animali. Come esseri intelligenti e quindi come esseri cognitivi. C'est-à-dire che la neurobiologia vegetale traite le piante come des êtres intelligents, donc come des êtres cognitifs. Agli animali, et elle étudie dans les plantes toutes ces caractéristiques qu'en général nous associons à la mémoire, comme l'apprentissage, la communication, la vie sociale chez les plantes. Un être vivant est intelligent s'il arrive à résoudre tous les problèmes vitaux qu'il rencontre au cours de son existence. Pour ça, il y a deux contraintes. Il faut savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qu'on a appris pour pouvoir l'utiliser dans une autre occasion. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. L'arbre sensible. Domanda numéro 2. Certamente le piante sono organismi intelligenti. Su questo certainement, les plantes, ce sont des organismes intelligents. Nelle piante, cela est tout à fait évident, je n'ai aucun doute. Diversi parametri chimici e fisici, les plantes, la sensibilité par rapport aux différents paramètres physiques et chimiques sont supérieures par rapport aux animaux. Pour des raisons tout à fait simples, parce que les plantes ne peuvent pas se déplacer par rapport au lieu où elles sont nées, et donc elles doivent être très sensibles. La seule possibilité pour elle pour survivre au changement de l'environnement, du climat, c'est de pouvoir s'en apercevoir très très en avance. Et c'est pour cela que les plantes sont très sensibles. Et puis, ovviamente, que la sensibilità è un prerequisito dell'intelligenza è una prerogativa dell'intelligenza perché l'intelligenza è ciò che ci permette di risolvere i problemi e le piante da questo punto di vista non sono solo intelligenti, le piante sono veramente brillanti per risolverli, non possono elles ne peuvent rien faire d'autre que résoudre les problèmes car elles ne peuvent pas les éviter. Les animaux et nous, de la même sorte, nous utilisons le mouvement. C'est pour cela que nous nous appelons animaux, parce que nous sommes animés, nous pouvons nous déplacer. Et nous, normalement, nous disons que nous avons résolu un problème lorsque in verità lo abbiamo semplicemente nous l'avons tout simplement esquivé, évité. Fonction, neurobiologiste. Nom, Stefano Mancuso. Fonction, directeur de recherche INRA. Nom, Bruno Mouglia. Fonction, philosophe. Nom, Emmanuel Coccia. Fonction, botaniste. Nom, Francis Allais. Fonction, chercheur énergie de demain, Paris Diderot. Nom, François Bouteau et Patrick Laurenti. Fonction, ingénieur forestier. Nom, Ernest Zürcher. Alors, oh là là, mais il me faudrait un papier, un crayon, parce que sans dessiner, c'est dur, ça. Ah, super. Van Hoven, un collègue de l'université de Pretoria. Son problème, c'est qu'il a été, enfin, il a été consulté parce qu'on trouvait des coudous morts dans la savane. Mort et... Francis Allais. Sans aucune blessure. Il était juste mort. Il fait l'autopsie et il s'aperçoit que ces animaux sont morts de faim. Alors qu'ils ont l'estomac plein. C'est complètement paradoxal. Donc ça a été le point de départ de sa problématique. Il a donc étudié, Van Hoven, comment les gazelles, les coudous, appelons-la les gazelles, se nourrissent. Elles approchent d'un acacia. Il faut dire que leur unique aliment, c'est l'acacia, qui d'ailleurs, enfin, là, c'est à perte de vue des savanes pleines d'acacia, hein, autour de Pretoria. La gazelle arrive et elle mange 3 feuilles. Et puis, bizarrement, elle sortit. Tout l'arbre est devenu toxique. C'est pas réellement toxique, c'est un largage de tanins condensés qui fait que c'est plus digestible. Ça devient apparemment franchement dégueulasse pour la gazelle. Donc elle s'en va. Le plus curieux, c'est que comme elle a encore faim, elle cherche un autre acacia. Et pour aller de l'acacia A à l'acacia B, elle remonte le vent. Alors qu'est-ce qu'il fait Van Hoven ? Il compare la biochimie des feuilles d'acacia au vent et celle des arbres sous le vent. Et il s'aperçoit que sous le vent, ils sont tous devenus impropres à la consommation, alors qu'ils n'ont pas été attaqués. Bon, ça, vous pouvez tourner ce problème dans le sens que vous voulez, vous n'échapperez pas à la conclusion qu'il y a eu un message émis par celui qui est au vent, qui a été attaqué et qui est passé à ceux qui sont sous le vent. Je mettrai ça dans l'intelligence. L'intelligence reposant sur une communication. Et puis alors, attendez, il y a une espèce de conclusion. C'est que l'intelligence, elle apparaît dans des conditions difficiles du milieu naturel. Les plantes que j'ai là, je les arrose, donc elles n'ont pas besoin de se battre contre la sécheresse. Tandis que dans le milieu naturel, personne ne les arrose. Donc s'il ne pleut pas pendant 6 mois... Eh bien, il faut qu'elle se démerde. C'est là que l'intelligence apparaît. Donc, c'est la capacité d'adaptation. C'est une grande partie d'adaptation là-dedans, mais surtout la résilience. Voilà. Le terme clé, c'est la résilience. Un arbre, d'abord, c'est une poussée. C'est une croissance. Si vous voulez penser un arbre, c'est pas ce que les gens pensent. Les gens voient d'abord une structure. Ils voient, ouh, quel bel arbre. Mais en fait, si on veut comprendre la réalité de l'arbre, il me semble, moi, il faut penser croissance. C'est ce qui nous perturbe un peu, parce que nous, la croissance, c'est que dans une petite période de notre vie... Il ne va pas en mourir, c'est clair. Il va mettre en place la branche... Et il va pousser tout le temps. Que je lui ai retiré. Et sa croissance, elle se fait de deux manières. Elle se fait par les pointes, les bourgeons. C'est parfaitement résilient. Donc ces pointes-là vont faire les organes, les feuilles, et puis vont faire les bouts des tiges. Si on m'arrache un bras, je vais devoir me passer de bras. Je vais pas pousser en longueur, pousser de toutes les pointes qu'il a, et déployer des feuilles. Bruno Mouglia. Puis comme il y a des bourgeons, chaque bourgeon laisse des petits bourgeons derrière lui. Donc il produit ses feuilles, derrière lui il produit ce qu'on appelle la tige, si vous voulez. Donc c'est une sorte de propulsion à réaction, en fait. Il va propulser ses apex, les bouts de ses branches, vers le haut, dans tous les sens. Et puis derrière, donc, il laisse des petits massifs de cellules souches, ce sont des cellules souches, tout ça, et qui vont être capables de ramifier, et donc d'amplifier, de multiplier le phénomène de manière à remplir en partie l'espace. Donc c'est une sorte de déploiement comme ça par cette croissance. On l'appelle primaire parce que c'est la première qui se met en place. Una domanda che riguarda la percezione di come delle piante come esseri immobili perché la loro crescita scappa ai nostri occhi, eccetera. Beh, in parte, diciamo, l'incapacità di comprendere che le piante sono cette incapacité à comprendre que les plantes ce sont des êtres très sophistiqués concerne les temps nécessaires pour accomplir leurs actions. C'est-à-dire, ce sont des temps beaucoup plus longs par rapport à ceux des animaux. Nous sommes toujours obsédés par cette idée de la vitesse, comme si le fait d'accomplir quelque chose rapidement est meilleur, comme si celui qui est plus rapide serait meilleur de celui qui est plus lent. Eh bien, cela n'a rien à voir avec la réalité. Les plantes ont normalement des comportement qui se déroule sur des temps très longs. Et c'est pour cela que, pour pouvoir les comprendre, ces temps doivent être rendus plus rapides, c'est-à-dire ils doivent être traduits à notre vitesse humaine, animale. In cui l'astronave Enterprise arriva su un pianeta. À chaque fois que l'on parle des plantes et l'on dit que les plantes sont très lentes, moi je pense toujours au film de Star Trek. La velocità appunto alla quale Enterprise, la navette spatiale, arrive sur la planète et les habitants de la planète sont extrêmement rapides. Et donc, ils voient les humains comme des êtres immobiles parce qu'ils sont extrêmement lents, comme des monolithes immobiles. Che sia un parametro di complessità. La velocità è semplicemente la vitesse n'est pas un paramètre, c'est une unité de mesure. Ensuite, les plantes ont des vies tellement plus longues que les nôtres que leurs comportements, bien évidemment, sont très différents par rapport aux nôtres. C'est évident que si nous pouvions vivre 4 ou 5 000 ans, nos comportements seraient bien différents et je pense que nos attitudes seraient un peu plus calmes, un peu plus relaxées. Pourquoi on a refusé si longtemps de se dire que les arbres et les plantes étaient intelligents? Je dois dire que moi-même, je l'ai refusé pendant longtemps. Mais c'est très facile que je vous explique pourquoi. Quand j'étais étudiant, ce qui intéressait nos enseignants, c'était les animaux. Les plantes les ennuyaient, pour rester poli. Donc, ils nous en disaient pratiquement rien. Puis, ça n'a aucun intérêt, ça ne bouge pas. Ça fait pas de bruit, ça, on voit vraiment pas pourquoi on s'intéresserait à ça. Je cherche dans le dictionnaire la signification du terme d'intelligence, et à chaque fois je m'aperçois que la définition, elle désigne l'être humain, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut un cerveau, il faut un langage, il faut pouvoir se déplacer. Non, je me dis, ça s'applique pas aux plantes. On a réussi sans trop de difficulté à inclure les animaux là-dedans. Mais les plantes qui n'ont pas de langage sonore, évidemment, cette définition, ça ne leur allait pas. Donc moi, comme j'ai été élevé dans le plus grand respect du dictionnaire, je me dis, c'est dommage pour ces plantes. Okay, donc voilà les résultats. Elles ne sont pas intelligentes. L'expérimentation de cette nuit. Deux plantes, là, c'est ça? Oui. Ok. Ouais. Encore pendant la rotation, elles continuent à... Elles continuent à monter. Elles continuent à monter. Ouais, donc, elles ont mémorisé encore mémorisé, l'effet. Oui, ouais. Il y a comme une temporisation. Ouais, c'est marrant. Ils sont en train de dépasser la verticale. La verticale. Hop, ça y est, là, elle commence. Tu vois, elles sont bien synchro, les deux. Ah ouais, c'est joli, hein. Et elle redescend. C'est joli, ça. Ah ouais, c'est super nickel, là, parce qu'on a une super belle cinétique. Ah, voilà. Voilà, elles descendent. Et là, ça y est. Tu vois, au bout de... Continue, parce qu'elles se mettent à nuter, elles se mettent à... Une fois que il y a assez peu de croissance dans cette période-là. D'accord. On le voit qu'elles après. Qu'elles font combien, là, elles font 10 cm? Elles font un peu moins de 10, elles font entre 8 et 9 cm. D'accord, ok. Et on voit effectivement, petit à petit... Ouais, c'est dommage, là, on le voit bien. Ouais. Oh, mais elles sont super actives, quand même. Ouais, oui. Là, c'est un peu... impressionnant par rapport même au coléoptile de blé. Là, on fait des tests. On a une réaction qui est bien plus jolie. Oh, c'est une chorégraphie, hein, on a l'impression qu'on est dans ensemble. Là. Un botanico russo verso la fine dell'Ottocento, a cavallo fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, definì le piante come il legame tra la terra e il sole. Una definizione bellissima. Il but n'est pas de surprendre les molécules intérieures, le but c'est qu'on doit les mettre un peu en suspension. C'est très joli, ce parterre. Les feuilles sont traversées par la lumière, ce vert clair absolument fabuleux. Là, c'est magnifique, c'est tous des jeunes pousses qui sont à la fin de leur première année. Là. Ils sont simplement là. On admet juste qu'ils poussent d'une année à l'autre, mais on les considère comme... inerte, comme non sensible. Alors, sensible, ils le sont extrêmement, parce que on a découvert des choses que traditionnellement on n'avait aucune idée. On n'avait pas les moyens de mesurer des courants électriques à l'époque. Ernest Zürcher. Ou bien de mesurer les facteurs de forme de bourgeons. On n'avait pas ces possibilités de photographier. Maintenant, on peut les filmer en continu. C'est encore plus précis. Alors, il a fallu pas mal d'années, surtout pour publier avec toutes les garanties. Une fois qu'on sort dans Nature, là, on a vraiment on a gagné quelque chose. Hein. On a ouvert une porte. Et ensuite, c'était plus facile. Et maintenant, je suis en situation confortable que ces revues me contactent en disant « On a suivi, on voit que vos publications sur le bois et la lune, sur les plantes et la lune, sont très intéressantes. On est preneur si vous avez quelque chose de la même veine. » Là, j'ai le choix maintenant, alors qu'il a attaqué un sujet que personne n'osait attaquer, c'est-à-dire ce sujet des influences lunaires ou des rythmes lunaires au niveau des plantes. C'est-à-dire qu'en fait, la sève serait reliée au cosmos ? Oui, les flux de sève. On a pu mesurer ou réinterpréter des mesures de tronc qui pulsent entre le jour et la nuit, mais lorsqu'on met les arbres en obscurité constante, ils continuent de pulser dans leur tronc et ils augmentent et diminuent un peu de diamètre. Alors qu'ils sont maintenus en pot et en atmosphère fermée, à humidité constante, à température constante, et les arbres continuent de pulser. Et on a pu montrer que c'est des marées vertes dans les arbres. Et c'était peut-être la plus belle découverte qu'on ait faite, grâce à l'entremise de Francis Allais, d'ailleurs. Et là, on a pu publier ça dans la revue la plus prestigieuse qu'on puisse imaginer. C'est sorti dans Nature en 1998. Et là, c'était vraiment un très beau moment parce qu'on a pu vraiment asseoir le sujet de la chronobiologie lunaire dans les arbres, qui a toujours été reconnu dans les anciennes cultures où on travaillait avec la nature, avec les arbres. Tout ce qui est vivant pulse, ça c'est une règle que beaucoup ont déjà reconnue, mais les arbres aussi pulsent beaucoup plus que ce qu'on croit. Mais ils ne pulsent pas seulement en fonction de l'été et de l'hiver, ça c'était connu, ou bien jour et nuit. Ils pulsent aussi en fonction des marées lunaires, des parcours lunaires devant le zodiaque. Même ça, c'était vraiment une très belle découverte qu'on a pu faire. C'est même la position de la Lune dans le zodiaque qui joue un rôle, comme on le disait autrefois. Donc une fois qu'on sait ça, j'ai l'impression que notre propre cœur reprend de l'ampleur et se permet de le faire comme il faut lorsqu'on est dans une forêt. Il y a une forme de dilatation dans la forêt. Lorsque vous êtes dans une forêt, le temps se dilate, l'espace se dilate, et vous-même, vous vous dilatez. Et là, maintenant, une découverte magnifique a été faite par un chercheur écossais, a mesuré les bourgeons. Il avait l'idée que les bourgeons n'étaient pas constants dans leur forme. Donc il a fait des milliers de photos d'un bourgeon à l'autre, d'un jour à l'autre, à travers des mois et des années, et s'est rendu compte que les bourgeons pulsent sans arrêt comme un cœur ou un œuf. Il a pu montrer que c'est une pulsation cosmique, lunaire. La Lune, par rapport, et ça c'était la nouveauté dans ce travail, c'est par rapport à certaines planètes qui était traditionnellement attribué à l'arbre. Et là, c'était absolument fabuleux, c'est qu'il a montré que les bourgeons du chêne pulsent en fonction de la lune, mais la lune alignée ou en opposition avec, non pas le soleil, mais Mars. Et le chêne, associé au dieu de la guerre, associé au dieu Mars, était finalement déjà à nous attendre à la pulsation des bourgeons. Alors là, on a des perspectives énormes qui s'ouvrent, anthropologiques, ces traditions, cette ancienne cosmogonie où on avait des dieux attribués à des planètes. Jupiter, c'est un nom de dieu, et c'est une planète. Mars, c'est un nom de dieu et une planète en même temps. Et maintenant, vous avez le chêne qui est attribué aussi à Mars, pas seulement, qui pulse en fonction de la Lune et de cette planète. C'est des magnifiques pistes qu'on va pouvoir explorer maintenant. Un botaniste russe entre la fin du XVIIIe et début du XIXe avait défini les plantes comme les liens entre la Terre et le Soleil. C'est une image très très belle parce que si nous raisonnons en termes de physique, eh bien, nous voyons que dans notre système solaire que nous vivons, nous mangeons grâce à l'énergie du soleil. Mais afin que cette énergie soit compatible avec nos vies, doit passer par les plantes. Les plantes ont ce devoir, cette tâche, cette capacité miraculeuse de transformer l'énergie lumineuse, le carbone et l'eau dans une énergie chimique qui permet la vie sur Terre. Donc, il n'y a pas de doute que nous, animaux, nous dépendons des plantes alors que les plantes ne dépendent pas de nous. Sans les plantes, sans les organismes qui peuvent photosynthétiser, la Terre serait comme les images de Mars que nous voyons de temps en temps sur nos écrans. Ah, il faut d'abord dire qu'il n'y aurait pas de plantes s'il n'y avait pas de champignons. Les champignons sont antérieurs à la présence des plantes, pas seulement les arbres. Donc, dans l'histoire de la Terre, les continents ont d'abord été habités par des champignons. Et c'est ça qui a permis, secondairement, aux plantes de s'installer sur les continents. Mais dans les plantes terrestres, il n'y a pas le choix. C'est avec des champignons ou bien ça ne marche pas. Il y a deux partenaires, donc la plante et les champignons, et chacun envoie un message pour trouver l'autre. C'est pas seulement la plante qui attire les champignons, c'est aussi le champignon qui tient à trouver la plante. Parce que c'est une symbiose, donc les deux ont intérêt à se rencontrer. Aucun des deux partenaires ne pourrait vivre sans l'autre. Ils ont besoin de sucre. Ça pallie les déficiences locales. Et il faut aller les chercher auprès des organismes qui fabriquent les sucres. Donc ça va transmettre l'eau à l'arbre symbiotique. Mais ça va plus loin que ça, hein. Ça peut transporter des molécules organiques, des ions minéraux, etc. Si un arbre qui manque de phosphore, il va en recevoir de ses voisins qui n'en manquent pas par l'intermédiaire du champignon. Même si c'est très grand les racines, c'est beaucoup moins grand que la dimension atteinte par le champignon. Un champignon, ça peut être un hectare, hein. Donc c'est une espèce d'assurance dans la forêt, le fait qu'il y ait ces champignons. Si on interroge la plupart des gens d'abord, je pense que leur intuition, et surtout dans notre culture occidentale, c'est que les plantes, elles poussent, mais elles sentent pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose que la recherche a complètement bouleversé, on peut dire, dans les 20 dernières années. Hein. Et on s'est aperçu qu'elles étaient capables, donc ça, j'ai travaillé là-dessus quand j'étais tout jeune, elles sont capables d'une perception qu'on pourrait appeler visuelle, c'est-à-dire qu'elles vont distinguer à assez grande distance hein, s'il y a d'autres plantes ou pas. Elles s'intéressent qu'aux plantes. Une plante de maïs, par exemple, on avait travaillé là-dessus, ça voit jusqu'à une dizaine de mètres. Ça voit ? Ça voit jusqu'à une dizaine de mètres. Et elles distinguent donc deux choses, s'il y a des plantes et où il y a du ciel et de la lumière. À la différence de nous, elles ont des pigments comme nous qui sont... Vous savez, nous, on perçoit les différentes couleurs, mais elles ne perçoivent pas les mêmes couleurs que nous. Donc, elles perçoivent le bleu, d'une part, qui les renseigne sur où il y a du ciel, et elles perçoivent un ratio entre deux couleurs, le rouge clair et le rouge sombre. Donc, elles sont capables de différencier ces choses-là. Et ça, c'est une signature spectrale, une signature spécifique de la présence de chlorophylle. Donc, si... vous arrivez, vous n'êtes pas chlorophyllienne, la plante va percevoir que vous êtes neutre du point de vue de la chlorophylle, donc elle ne va pas s'intéresser beaucoup à vous. Si vous vous couvrez de chlorophylle, vous mettez plein de Hollywood chewing-gum sur vous, là, et bien dans ces cas-là, elle va vous percevoir. Base nord-sud. 14,42. Diamètre base est-ouest. 14,53. Diamètre 50 cm. Nord-sud. 10,92. Est-ouest. 10,98. Ce qu'avait montré Stefano Mancuso, c'est que lorsqu'on fait pousser une plante, en gros, il avait mis une source sonore, en fait, d'un petit haut-parleur, en gros, hein, François Babuto, qu'envoyait donc différentes fréquences. Donc il avait balayé différentes fréquences, je ne sais plus, on va dire 50 à 600, 700 Hz, et il avait observé que les racines avaient l'aptitude à s'orienter vers la source sonore pour des fréquences autour de 100, 200 Hz. Et donc, ça voulait dire que la plante, elle perdait son gravitropisme, qui est quand même, justement, aller chercher dans le sol la gravité, parce que c'est dans le sol qu'on va trouver l'eau et les sels minéraux. Donc, c'est fondamental pour une plante. Et donc, en fait, cette racine qui pousse avec le gravitropisme, eh bien, lorsqu'on lui mettait cette source sonore, eh bien, hop, elle s'oriente vers la source sonore. Et donc, il s'est posé des questions, et il a enregistré le bruit d'une rivière. En fait, il n'a pas enregistré, mais il est allé voir quel était le spectre sonore d'une rivière. Et quand on regarde le spectre sonore d'un cours d'eau, eh bien, l'optimal, il est autour de 100-200 Hz. D'où la question, c'est la plante entend le bruit de l'eau. Alors donc, Monica Gagliano en Australie a fait une manip que je trouve extraordinaire. J'adore ce genre d'expérimentation parce que c'est simple et beau pour moi. En gros, plutôt qu'avoir une source sonore avec un haut-parleur, elle a pris une plante donc dans un pot et elle a fait en sorte qu'il y ait deux pots en dessous et puis la racine, donc elle pouvait partir dans un pot ou l'autre. Et elle a fait passer un tube en caoutchouc autour d'un des pots en faisant couler de l'eau. Et donc, la seule différence entre les deux pots, c'est le bruit de l'eau dans le tube en plastique. Ce n'est pas du tout une histoire d'humidité, c'est vraiment une histoire de bruit. Et statistiquement, ce n'est pas du 100%, mais statistiquement, les racines vont vers le pot où il y a l'eau qui tourne. La plante, elle vit dans le même environnement que nous. Pourquoi est-ce qu'elle se priverait d'une source d'information qui est omniprésente? Donc, allons chercher s'il y a une réponse. Le toucher, c'est la bonne entrée pour essayer d'imaginer un peu ce que peuvent sentir les plantes. Si vous oubliez un peu vos mains, vous sentez partout. Eh bien, les plantes, elles font pour tous les sens pareil. C'est-à-dire qu'elles vont voir de partout, elles vont sentir de partout. Donc, c'est une sorte de, pour paraphraser le philosophe Deleuze, c'est un peu des sentiments, des sensations, plus exactement des perceptions sans organes. Voilà. Et puis tout d'un coup, on a arrêté la perception de la gravité, donc Stéphane a lancé l'augmentation, et du coup, on la voit redescendre. Vous voyez, elle devient le rouge, là, elle est complètement rectiligne, elle est repartie vers le bas. Nous autres êtres humains, nous avons une structure centralisée. Nous avons une centaine d'organes, et parmi lesquels il y a des organes vitaux. La plante n'a pas d'organes, elle en a trois, à vrai dire. Tige, racine, feuille. Trois, mais en nombre considérable. Mais seulement trois. Donc, depuis l'Antiquité grecque, on s'est dit, puisqu'ils n'ont que trois organes, c'est qu'ils ont très peu de fonctions. Puisque pour nous, chaque organe a sa propre fonction. 100 organes, ça fait 100 fonctions. On est très fiers de ça. Donc, on pensait que les plantes n'avaient que trois fonctions, puisqu'elles n'ont que trois organes. La grosse astuce, c'est que aucun des trois organes n'est un organe vital. Peu importe qu'un prédateur bouffe une partie de mon chêne. Il ne se gêne pas pour le faire, d'ailleurs. Ça ne gêne pas, puisque ça repousse ailleurs. C'est comme si vous preniez un être humain, vous le coupez en deux, et ça ne le tue pas. Vous voyez ? C'est complètement différent. Et ça, je trouve que c'est, au point de vue des mécanismes de défense, c'est vraiment le top. Être décentralisé. Ça change tout, hein. Essayez de... Imaginons maintenant qu'on voit partout autour de soi. Quelle serait notre vision du monde si on voyait partout autour de nous ? T'es déjà venu depuis dans un jour devant ? T'es jamais venu ? Non. Tu sais pas comment ça bouge ? On se demandait avec Eric, comme on n'a pas regardé, mais on se demandait si on pouvait mettre d'abord des capteurs en fait. Hein. C'était ça ton idée, hein ? Oui, des capteurs. Par exemple, ils sont pas très très gros aussi. Ça va pas être forcément très très simple. Tu pensais à des jauges ? Tu pensais à quoi ? Oui, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane, des jauges, on peut faire ? Ça peut être... Avec les jauges, on doit pouvoir faire... choisir quelques êtres qui permettent... de les oui, bah, je m'appelle Bruno Moulia, je suis chercheur à l'INRA, j'ai 55 ans. Donc on n'aura pas trop de bêtes ou de passages, quoi, d'une manière générale. À l'INRA, je travaille sur de poser des capteurs à les plantes en général, et particulièrement les arbres, et je m'intéresse à ce qu'ils ressentent. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, comment on fait pour... Vous aviez fait ça déjà, non de ce qu'on essaye de comprendre dans l'équipe, c'est une question simple, en fait, c'est comment les arbres arrivent à tenir debout longtemps alors qu'ils croissent sans arrêt. Alors, vous et moi, on perçoit plusieurs choses. On perçoit, par exemple... on a la vision, ça nous permet de savoir un peu, là on a une certaine distance de la table, du plafond, donc on prend ça. On a aussi ce qu'on appelle l'oreille interne, vous savez, on est capable de percevoir les accélérations et aussi l'orientation par rapport à la gravité terrestre, donc on sait où est le haut et le bas. Et on a un dernier sens qui est le sens dit de la proprioception, un très beau sens, qui est le sens qui nous permet de sentir notre corps propre. C'est-à-dire que l'arbre, il ressent, comment on peut dire ? Oui, il ressent. C'est ça le bon mot. C'est pas conscience, c'est ressentir. Vous voyez qu'on peut ressentir des choses sans être conscient. Donc il ressent, il perçoit. Sa propre forme, du coup. Sa propre forme, oui. Ça, c'est la grande découverte qui nous a fait connaître du grand public, on va dire. C'est quand on a découvert ce sens-là qu'on pensait être l'apanage uniquement des mammifères supérieurs, on va dire. Donc c'est comme ça qu'on a découvert ce sens inattendu et qui est très perturbant pour tout le monde, en fait, hein, pour nous aussi au départ. Enfin, moi, je suis tout content, mais malgré tout, ça change très profondément notre vision de la plante. Mathématique. Ici, là, j'ai une courbe qui me donne la croissance. Ici, la courbure. Domanda sulla la vita segreta degli alberi. Quello che dice sulla vita segreta des arbres. Ce qui dit Peter Wolleben a été étudié par beaucoup de chercheurs pendant des années et des années en Europe et surtout au Canada. Hanno studiato appunto la rete sotterranea. Ils ont étudié le réseau souterrain qui est formé par des champignons et qui réunit les arbres d'une forêt. Il s'agit d'un réseau extrêmement étendu à travers lequel les plantes s'échangent des informations. Una delle, delle scoperte più interessanti che ha fatto sul Une des découvertes les plus intéressantes est le fait que les arbres adultes sont à même de fournir aux plantes plus jeunes et qui ne sont pas encore autonomes, qui ne pourraient pas donc survivre seules parce qu'ils n'ont pas encore atteint une hauteur suffisante pour effectuer la photosynthèse toute seule. Eh bien, les plantes les aident pendant des années. Et c'est une découverte exceptionnelle parce que cela montre qu'il y a vraiment un système de soins social, un peu comme des parents, un peu comme nous les humains. Et ce réseau extraordinaire qui est diffusé partout, partout où il y a un bois, une forêt, a été appelé World Wide Web, WWW, comme d'ailleurs le protocole de communication utilisé sur Internet. Justement, pour montrer cette diffusion extrêmement répandue et la capacité de ces réseaux souterrains étendus et qui permet de relier tous les arbres qui appartiennent à la même communauté. Oui, c'est ça. François Boutot, je suis maître de conférence au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain de l'université Paris Diderot. Donc je suis enseignant-chercheur, je partage mon temps entre la recherche et l'enseignement. Moi je suis Patrick Laurenti, je travaille avec François Boutot, je suis aussi enseignant-chercheur à l'université Paris Diderot et chercheur au LID, laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Et moi, je suis un généticien, biologiste du développement, et je viens du monde plutôt du développement des animaux. J'étais généticien du développement des mouches et puis des vertébrés ensuite. Pour moi, un des points qui est très important, c'est les capacités de communiquer par les molécules volatiles. Ça, c'est quelque chose qui a explosé ces dernières années, et c'est très important parce que là, on montre que les plantes communiquent entre elles. Donc il y a des travaux qui datent d'il y a 20-25 ans déjà. Et donc elles émettent des molécules lorsqu'elles subissent une certaine stimulation. Les plantes, quand elles subissent, elles font la différence entre être secouées par le vent, là en général elles émettent rien, et par contre elles sont capables de synthétiser une molécule d'alerte pour les autres plantes de leur famille quand elles sont broutées par un phytophage. Et donc là, il y a vraiment quelque chose. C'est pas seulement le fait d'être secoué, cassé, déchiré. Non, il y a une reconnaissance. Il y a vraiment une reconnaissance de qui vient l'agresser. De l'acte de prédation. Et c'est vrai qu'il y a des données qui sortent. Quand vous avez une chenille qui vient brouter une feuille, la plante est capable. Bon, elle sait qu'elle est broutée, c'est une première chose. Mais elle est capable donc en fait de sentir quel est finalement l'agresseur par rapport à des molécules chimiques qui vont être dans la salive de l'agresseur. Par rapport au fait du bruit d'être croqué, d'accord, elle va percevoir le son. Et donc, en réponse à ça, eh bien, elle va mettre en place toute une machinerie. Alors bien sûr, il y a la signalisation électrique pour la plante en interne, mais il y a aussi une signalisation chimique qui est mise en place, et notamment ces volatiles. Et il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites qui montrent que parmi les volatiles qui sont sécrétés, peut y avoir la sécrétion d'une phéromone sexuelle du prédateur de l'agresseur. Donc elle fait intervenir un second animal qui va être le prédateur de celui qui l'attaque. Le prédateur va percevoir la molécule envoyée par la plante, et en fait, il va être trompé, puisqu'en fait, lui, ce qu'il va percevoir, il dit « Ah, ça, c'est l'odeur d'une femelle ». Donc, il se rapproche, et puis... Il trouve sa proie. Et puis, faute de trouver une femelle, qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve un animal qu'il aimerait bien grignoter. Donc, hop, il va attaquer la chenille. et il va débarrasser la plante de la chenille, tout simplement, en étant appelé par la plante. Alors, c'est un peu de la manipulation. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est que justement ça, on pourrait... Si vous voulez, on a un enjeu qui est bizarre. Hein. C'est que nous, le public se fascine pour des choses et nous, on est fasciné par d'autres. Et il faut qu'on trouve un terrain pour en parler. Par exemple, nous, ce qui nous semble important, c'est de montrer que c'est vivant. Déjà, convaincre les gens que les plantes sont vivantes. Là, dans cet exemple, il ne faut pas voir... nous, on fait très attention, vous avez vu, on ne passe pas le pas de dire que c'est de l'intelligence. Parce que ce cycle-là où une chenille broute une plante et la plante appelle l'ennemi de la chenille, c'est pas forcément un processus, et c'est très certainement pas un processus intelligent. C'est pas une intentionnalité, c'est une coévolution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité dans ce... Comment un généticien interprète ça, c'est que, en fait, seul ce qui s'est passé, c'est que par hasard, certaines plantes ont émis ces phéromones qui ressemblent à celles qui attirent le prédateur de l'attaquant. Et de fait, au cours du temps, au cours de l'évolution, seules les plantes qui avaient ce mécanisme ont survécu. Et aujourd'hui, on est face dans un système qui a été sélectionné, mais simplement par sélection naturelle, où, eh bien, les chenilles ont mangé toutes les plantes qui n'avaient pas ce truc de défense. Seules les plantes qui avaient ce truc de défense ont survécu. Et il s'est établi comme ça une espèce de relation trophique à trois. Le piante e gli alberi soffrono quando le si taglia. Beh, le piante non siano appunto proprio perché sono costruite in una maniera diversa dagli animali, quindi sono state le plante sono étant donné che sono costruite de manière différente elles ont évolué pour résister aux prédateurs, ressentir la douleur n'a pas beaucoup de sens, cioè qualche cosa che come la douleur a quelque chose qui a à voir avec le mouvement. Et c'est pour cela que nous allons nous déplacer, nous allons nous éloigner de quelque chose qui est un danger pour nous. Alors que pour les plantes qui ne peuvent pas se déplacer et qui donc peuvent être toujours victimes d'un prédateur, impliquerait une continue. Una continua sensazione di dolore che trovo, une sensation continue de douleur. Et je pense que d'un point de vue de l'évolution, n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, d'un point de vue scientifique, je réponds que nous ne le savons pas, mais mon opinion personnelle est de dire que les plantes ne ressentent pas la douleur. Si on arrive à comprendre un peu les modes de dialogue des plantes, ce qu'elles nous disent et comment elles nous le disent, eh bien on pourrait utiliser les plantes comme des capteurs qui nous renseignent sur l'environnement. Et donc utiliser, quelque part, cette entre guillemets intelligence des plantes à notre... C'est-à-dire comprendre ce qu'elles nous disent. J'ai faim, j'ai soif, entre guillemets. Il y a beaucoup de CO2. Ou je suis attaqué. Ou il est temps, ou même je suis la plante témoin dans mon champ et je te dis il est temps d'arroser le champ. Ça, c'est des choses qui commence à être à notre portée, et ce dont on rêverait, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que, et si on était capable de comprendre ce langage et de leur dire « fais ci ou fais ça », mais on pourrait dire à des plantes « fais beaucoup de racines » ou au contraire « fais beaucoup de feuilles », et ce serait par exemple une des voies pour limiter les intrants. C'est-à-dire qu'au lieu de remplir le sol de substances diverses pour l'inciter à faire ci ou faire ça, bien si on avait un message électrique ou un message juste de volatile, avec très peu de produits, on pourrait peut-être commencer à dialoguer et à utiliser cette connaissance du dialogue avec les... C'est vrai que là, il y a un champ d'action potentiel. Il y a pas mal d'équipes, et aussi de start-up d'ailleurs, qui s'intéressent au sujet, qui arrivent avec des très beaux modèles. Ils ont tout le système de mesure électrique, ils ont la petite antenne, hop, ça passe par le GPS, ça vous envoie ça sur votre smartphone. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ils enregistrent quelque chose, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. En fait, et voilà, mais ça va venir. Je pense qu'il faut accumuler les données, mais c'est une recherche qui réémerge, mais qui va nécessiter pas mal de temps. vous êtes retrouvé en Arzurcher à faire ce métier forestier? J'ai toujours joué dans les forêts, toujours. J'ai grandi dans un tout petit village qui était entouré de forêts, avec un ruisseau d'un côté, un de l'autre. Et pour moi, ça a été mon milieu le plus intéressant de vie, en dehors du milieu familial, où j'ai fait toutes mes expériences. Pas tout seul, naturellement, avec les enfants du village. Et là, il y a de la mémoire profonde qui se construit quand on est immergé comme ça dans la nature, surtout au niveau des odeurs. C'est des mémorisations toutes différentes comparativement à des concepts mentaux, intellectuels. Les odeurs se gravent beaucoup plus profondément, sans filtre. Et lorsqu'on retrouve des odeurs, on est projeté dans ce premier moment où on a découvert telle ou telle odeur. Alors moi, lorsque je sens de l'humus, j'ai ni mon âge actuel, ni mon âge de l'époque, j'ai pas d'âge. J'ai l'impression que le temps n'a pas de prise. Et c'est ça la forêt, cette espèce de maîtrise du temps, ou bien de souveraineté par rapport au temps. C'est quelque chose comme une mère à l'extérieur, par rapport à la mère qu'on a, la maman qu'on a en famille. C'est une partie, à mon avis, très féminine de la nature. C'est une partie qui se protège elle-même, qui se régénère d'elle-même. Et là, on découvre maintenant l'importance de l'enveloppe forestière. Il faut laisser cette forêt se protéger elle-même et ne pas se laisser traverser par tous les vents qui la dessèchent. Elle est très sensible, surtout aux périodes de réchauffement climatique. Il faut redonner à la forêt sa lisière qu'elle veut spontanément. Les plantes, c'est vraiment une altérité proche. C'est-à-dire elles sont tout autour de nous, on y fait peu attention, et pourtant elles sont vivantes, elles sont très sensibles, et elles sont... Elles sont tellement autres, tellement plus autres que tous les aliens qu'on a imaginés, autres. Après Darwin, après que nous avons accepté le fait que l'homme est un animal, et après surtout que, donc, à travers tout ce que l'éthique animalière a permis de développer, c'est-à-dire l'idée, voilà, les animaux, en n'étant pas si différents que nous, méritent notre respect, notre protection, etc. Du coup, la plante, tout d'un coup, s'est retrouvée à jouer ou à devoir incarner les rôles de grand autre, d'aller chiquer des vivants, de ce qui, en fait, n'est pas comme les autres, ce qui nous ne pourrons jamais être. D'ailleurs, ça, c'était l'une des réflexions les plus stimulantes et géniales de Francis Allais. L'effet de dire, attention, la plante ne correspond à rien à la vie d'un animal. C'est vraiment le tout autre par rapport à la vie animale. Et c'est comme ça qu'il doit être compris. Arrêtons de projeter sur elle des schémas, voilà, des schémas anthropomorphes. Donc on a pu se rendre compte à quel point la plante est différente et à quel point la plante est centrale, etc. Et d'un point de vue biologique, on a pu commencer à dire, attention, la biologie est zoocentrique, elle a trop souvent pris les points de vue de l'animal, alors qu'il y a d'autres formes de vie qui sont beaucoup plus importantes. Voilà, on a fait ces gestes pour les plantes, là on est en train de faire les mêmes gestes pour les bactéries et les virus, etc. etc. Donc, les rôles du grand autre, petit à petit, est délégué à d'autres sujets. Maintenant, c'est même plus la plante, c'est voilà, la bactérie. D'ici quelques ans, il y aura les pierres qui vont jouer ce rôle, parce que, au fond, si on y réfléchit, tout ce qui est sur Terre dérive de pierres, en fait. Donc, du coup, voilà. Imaginons, par exemple, si cette idée que l'intelligence était le fruit d'un cerveau animal, cela voudrait dire, ipso facto, que la plus grande majorité de tout ce qui est vivant sur notre planète, donc au-delà de 99% de ce qui est vivant sur notre planète, qui n'est pas doté d'un cerveau, survit sans avoir la capacité de résoudre des problèmes. Eh bien, cela est une absurdité. Ripeto, è una caractéristique. Alors que moi, je pense que l'intelligence est une caractéristique de la vie. Il n'est pas possible de vivre sans être intelligent. Nous avons besoin d'une révolution de Copernic pour mettre en discussion la place de l'homme. L'homme n'est pas l'unité de mesure de toutes les choses. Il n'est pas au centre de la vie. L'homme est une des millions d'espèces qui sont présentes sur notre planète. On va aller voir le fond. C'est beau le midi, hein. Dommage qu'il n'y ait plus de cigales. Elle s'est arrêtée il y a 8-10 jours. Je vais vous montrer le plus grand arbre du parc. Pour mettre le soleil derrière un tronc pour ne pas être ébloui. Regardez comme c'est beau. C'est le pin pignon. Moi, je les graine. Il est très vieux, malheureusement. Mais il nous inquiète un peu. On a été obligé de le banner. L'arbre le plus ancien dont on ait vraiment mesuré l'âge, 43 000 ans, il en a connu des changements climatiques. C'est de la routine pour eux. En plus, ils se déplacent. Si le climat ne leur plaît pas, ils vont envoyer des graines ailleurs. Ah, mais ils sont beaucoup plus mobiles que les animaux. Et on n'est pas très bon, en fait. Parce qu'on s'intéresse à l'être humain. Ça, se regarder le nombril, c'est un truc qu'on fait parfaitement. Assez rapidement, il s'intéresse aux animaux. Et il a les plus grandes difficultés à s'intéresser à des êtres vivants qui ne sont pas du tout comme lui. Qu'est-ce que vous aimez, vous, chez l'arbre ? Ça réfléchit sans faire de bruit. C'est beau. Bon, ça c'est subjectif, moi je le trouve beau, mais je pense que tout le monde est d'accord. C'est extrêmement utile. C'est totalement autosuffisant. Personne ne s'occupe de ce chêne. Et moins on s'en occupe, mieux il se porte. C'est totalement non-violent. Bon, enfin ça suffit, ça fait déjà beaucoup de qualités que les êtres humains peuvent lui envier. Quand on retourne à l'être humain après, c'est un peu la déception. Ça vous déprime ? Non, mais je suis obligé de constater que c'est moins bien. Voilà. Où est l'intelligence ? De quel côté est l'intelligence là-dedans ? But a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. C'était la série documentaire des arbres et des hommes. L'arbre sensible, avec Stefano Mancuso, neurobiologiste, Bruno Moulia, directeur de recherche INRA, Emmanuel Coccia, philosophe, Francis Allais, botaniste, François Bouteau et Patrick Laurenti, chercheur énergie de demain, Paris Diderot, Erner Zürcher, ingénieur forestier. Merci à Sabine Dahuron pour les archives INA. Merci à Estelle Ferrari de la documentation, à Véronique Lafalère, Maria Contreras et Vanessa Chang de la Bibliothèque Centrale de Radio France. Merci à Antoniella Vignoli pour la traduction, à Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale, à Stéphane Plouquin, André Marquet de l'INRA. Prise de son Nicolas Mathias, Jérémy Thuil et Yvan Turc. Mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. Thank you.